بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأما بعد. Donc on est dans la partie 36, hein, la lecture des fatwas de Cheikh Al-Fawzan, Al-Ijabat Al-Muhimma fi Al-Mashakil Al-Mulimma. Donc on va lire quelques fatwas, juste quelques-unes pour avoir quelques clarifications au sujet des différents groupes et organisations. يعني لجماعات contemporaine, les groupes contemporains. السؤال إضافة لحالة التردي التي تعيشها الأمة الإسلامية من حالة اضطراب فكري خصوصا فيما يتعلق بالدين, فقد كثرت الجماعات والفرق الإسلامية التي تدعي أن نهجها هو المنهج الإسلامي الصحيح الواجب الاتباع, حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره أيها يتبع وأيها على الحق. Donc Cheikh il a dit, on peut ajouter à la situation mauvaise que la Umma est en train de vivre actuellement, et la situation d'instabilité idéologique, en particulier en qu'est-ce qui a rapport avec la religion, le nombre augmentant de différents groupes et de différentes sectes islamiques qui prétendent avoir une méthodologie qui est correcte et obligatoire pour les musulmans de suivre, à un tel point que le musulman est devenu confus dans sa religion, il ne sait plus quelle voie suivre, alors il ne sait plus laquelle est sur la vérité. Donc qu'est-ce qu'il doit faire? Le cheikh il a répondu, Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Jawab, Al-Tafarruq laysa min ad-din, لأن الدين أمرنا بالاجتماع وأن نكون جماعة واحدة وأمة واحدة على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون, ويقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, ويقول سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, وهذا وعيد شديد في التفرق والاختلاف, ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bon, la réponse du cheikh, il commence en disant que la division ne fait pas partie de la religion. La division ne fait pas partie de la religion. Parce que la religion de l'islam nous ordonne de nous réunir, de nous unir et d'être une seule jama'a, d'être un seul groupe, une seule umma réunie sur la aqida, la croyance en l'unicité d'Allah, le tawhid, et sur le fait de suivre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à ce sujet-là, dans le verset 92, dans Suratul Anbiya, et cette umma, votre umma, elle est une umma unique. Et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Donc cette umma, c'est une seule umma. Il n'est pas permis pour les musulmans de la diviser. Ensuite, il mentionne le verset 103 dans Surat Al-Imran. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et cramponnez-vous tous au câble d'Allah et ne vous divisez pas. » Hein? Donc ça, c'est l'ordre de rester unis et de se cramponner tous ensemble sur le câble d'Allah, c'est-à-dire sur le Coran et sur la sunna, sur la vérité. Hein? Le verset 159 dans Surat Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie « Et ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des groupes ou des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Et leur affaire appartient à Allah et il va les informer de ce qu'ils faisaient. » Et il va les informer de ce qu'ils faisaient. Le verset 159 dans Surat Al-An'am. Al-An'am, c'est les bestiaux. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre verset qui est le verset 105 dans Surat Al-Imran. Cheikh, il dit que dans le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et ne vous divisez pas » ou bien ou bien en parlant de ceux qui sont divisés, il dit, et ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Hein? Leur affaire revient à Allah subhanahu wa ta'ala et il va les informer de ce qu'ils faisaient. 159 dans Surat Al-An'am, ce verset-là, c'est une menace sévère au sujet de la, division et de la divergence. Le verset 105 dans Surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que leur soit venue l'épreuve claire. Et ceux-là, ils auront un châtiment énorme, un grand châtiment. Ça, c'est des versets clairs qui parlent de la division dans l'islam. Il y en a qui interdit la division entre les musulmans et qui prouvent que dans l'islam, la division est interdite. Qu'est-ce qui est étonnant et qu'est-ce qui est surprenant à notre époque, c'est de voir certains groupes, certains individus qui appellent à l'islam et qui encouragent la division et qui encouragent les musulmans à rester divisés et qui encouragent les gens à dire que on est tous des sectes et ça c'est il y a de la diversité et l'islam encourage la diversité. Ils disent ça aujourd'hui. C'est-à-dire ils disent l'islam encourage la diversité. Hein? Et ils disent qu'il faut encourager le multipartisme et toutes ces idées-là. Donc, ils contredisent clairement ce qui est mentionné dans les versets du Coran à ce sujet. Ensuite, il dit Al-Islam dinul jama'a, dinul ulfa, dinul ijtima'a, wa tafarruq laysa min ad-din. Donc, l'islam, c'est la religion de la jama'a, c'est-à-dire de l'unité, de l'unification, d'être ensemble. Dinul ulfa, la religion du fait de rester ensemble, de s'aimer, de se rapprocher les uns des autres. Dinul ijtima', la religion du rassemblement, de l'union. Wa tafarruq laysa min ad-din, la division ne fait pas partie de la religion. Fata'addud al-jama'at hadha laysa min ad-din, li'anna ad-din ya'muruna an nakuna jama'atan wahidatan. Donc le fait qu'il y ait différents groupes, ça c'est pas permis. Le fait qu'il y ait différents groupes, ça ne fait pas partie de la religion. La religion nous ordonne d'être une seule jama'a, un seul groupe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit, wa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu al-muslimu lil-muslimi kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa yaqulu mathalu al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim كمثل الجسد الواحد إن البنيان وإن الجسد شيء واحد متماسك وليس فيه تفرق لأن البنيان إذا تفرق سقط وكذلك الجسم إذا تفرق فقد الحياة. Qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le musulman, pour l'autre musulman, un musulman par rapport à un autre musulman, c'est comparable à une construction, comme un bâtiment, qui se supporte, une partie supporte l'autre. Hein? Comme les doigts, lorsqu'on les entrelace entre eux, ils se supportent les uns les autres. Hein? Donc c'est comme ça, le bâtiment, il doit être comme ça. Comme les briques, on les met une par-dessus l'autre, et c'est ça qui fait que le mur se tient. Eh bien, la Ummah, les musulmans, ils doivent être de la même façon. Et dans un autre, ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans un autre hadith aussi rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit que l'exemple du musulman dans l'affection qu'il a, l'amour qu'il a pour son frère, la miséricorde qu'il a pour son frère, c'est comparable à un seul corps. Et dans la suite du hadith, il dit que s'il y a une partie, un membre qui souffre, eh bien, tout le reste du corps va souffrir de la fièvre et de ne pas pouvoir dormir. Donc ça, c'est l'exemple de la façon dont les musulmans doivent être entre eux. Et malheureusement, ce n'est pas ça qu'on voit. Pourquoi? Parce que les gens suivent les passions et se divisent à cause de ça. Donc, Cheikh, il dit que le bâtiment ou la construction et le corps, il se tient. C'est une chose qui se tient. Donc c'est la même chose avec hein, le corps, il doit rester un, ne pas se diviser. Si le bâtiment se divise, qu'est-ce qui arrive? Il ne peut plus tenir. Il tombe le mur. Et cette construction, elle tombe si elle ne se tient pas entre elles. Eh bien, c'est la même chose avec le corps. Et c'est la même chose. Si les membres commencent à se séparer dans le corps, il perd la vie. Hein? Donc, c'est ça qui se passe. Imagine ton bras, il dit non, je ne veux plus. Hein? Et tes yeux, et ta tête, et tes jambes, chaque membre, il veut quitter le corps. Ça ne marche pas. Hein? الله المستعان. الشيخ يقول ولا بد من الاجتماع وأن نكون جماعة واحدة أساسها التوحيد ومنهجها دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ومسارها على دين الإسلام. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذه الجماعات وهذا التفرق الحاصل على الساحة اليوم لا يقره دين الإسلام، بل ينهى عنه أشد النهي ويأمر بالاجتماع على عقيدة التوحيد وعلى منهج الإسلام جماعة واحدة وأمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. دونك الشيخ الزي qu'il faut absolument rester unis et qu'on soit un seul groupe dont notre base, elle doit être le tawhid. Notre méthodologie, ça doit être la da'wa du messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et notre marche, ou notre suivi, ça doit être de suivre l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il le mentionne dans Surat Al-Imran, ou Al-An'am, pardon, Surat Al-An'am, le verset 153, il dit « Et voici mon droit chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de son chemin. » Le verset 153 dans Surat Al-An'am. Donc, les groupes qu'on voit actuellement sur le terrain dans la Oumma, dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans, les différents groupes aujourd'hui et les différentes organisations, ça c'est de la division. Hein? Et ça c'est pas accepté en islam. Ça c'est pas accepté par l'islam. Que chaque musulman se divise en différents groupes. Hein, organisation. C'est pas des groupes qui sont, disons, tous sur la même base, avec le même manhaj. C'est des groupes, chaque groupe il a son manhaj à lui. Chaque groupe il a sa aqida. Chaque groupe il a son manhaj. Différent de l'autre. Et différent du Coran et de la Sunna. Ça c'est des sectes et des groupes et c'est interdit dans l'islam. Hein? Parce que le cheikh il dit, parce que l'islam, il interdit cette chose-là d'une façon très sévère. Et il ordonne aux musulmans de s'unir sur la aqida du tawhid et sur le manhaj de l'islam. Pour être un seul groupe, une seule umma. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela. وَالتَفَرُّقْ وَتَعَدُّدِ الْجَمَعَاتِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ كَيْدِ الشَّيَاطِينِ الْجِنْ وَالْإِنْسِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ فَمَازَالَ الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ من قديم الزمان يدسون الدسائس لتفريق الأمة. Donc le cheikh il dit la division hein, et la multiplicité la multiplicité des groupes, ça fait partie des ruses du shaitan, des ruses des shayatines parmi les djinns et parmi les hommes de cette Ummah. Et le cheikh il dit les kuffars et les munafiqin depuis des temps anciens, ils essaient toujours de créer de la division entre les rangs des musulmans. Ils planifient et ils rusent pour faire des divisions entre les musulmans. قال اليهود من قبل آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون أي يرجع المسلمون عن دينهم إذا رأوا إذا رأوكم رجعتم عنه وقال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين. Donc le cheikh il dit comme exemple de ça que les kuffars ils essaient toujours de diviser les musulmans. Il dit regardez les juifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran à leur sujet le verset 72 dans sourate Al-Imran, croyez en ce qui a été révélé sur les croyants au début de la journée et rejetez-le à la fin de la journée pour qu'ils reviennent. Donc ça c'est une ruse qu'ils avaient imaginée. C'est-à-dire les juifs ils disaient à certains d'entre eux acceptez l'islam le matin puis le soir rejetez-le. Comme ça les gens de Quraysh, les arabes, ils vont voir que vous avez accepté l'islam et que vous l'avez rejeté, donc ils vont délaisser l'islam, ils vont pas vouloir l'accepter. Parce que, ils vont se dire quoi, les Arabes, ils vont se dire, eux c'est des gens du livre, ils ont connu la Torah, ils ont connu les prophètes, ils ont accepté l'islam au début, puis ils l'ont rejeté, c'est la preuve que c'est pas vrai. Hein? Donc c'est une ruse que les juifs ont imaginée pour éloigner les gens de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a démasqués dans le Coran, avec ce verset. Puis, le verset 7 dans Surat Al-Munafiqun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'est-ce qu'ils disent les hypocrites. Ils disent ne dépensez pas de vos biens pour donner à ceux qui sont avec le messager, pour qu'ils se séparent de lui et pour qu'ils le laissent. Hein? Pourquoi? Parce que ils disent on ne va plus leur donner de l'argent, donc les gens ils vont plus le suivre, ils vont plus suivre le messager, ils vont s'éloigner de lui à cause de ça. Hein? Ça c'est les exemples des paroles des munafiqines, les ruses qu'ils essaient de faire. Le verset 107 dans Surat At-Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'exemple de Masjid al-Dirar que les hypocrites avaient fait, la mosquée de la dissension qu'ils avaient ouvert dans le but de semer la mécréance et la division entre les croyants. C'est des hypocrites qui avaient construit une mosquée pour créer de la division et pour se réunir avec les koufars pour faire des complots contre les musulmans pour combattre l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a démasqués. Hein? Donc ça, c'est des exemples. Tout ça, c'est des preuves que les groupes et les dissensions, ça, c'est interdit dans l'islam. Et qu'est-ce que vous avez vu apparaître dans les pays musulmans maintenant? Il y a des gens qui ont pensé que par les groupes et par les organisations et par les différents partis islamiques, ils allaient pouvoir faire revenir l'islam. Eh bien, ils ont adopté les méthodologies des koufars. Ils ont créé des groupes, des associations, des partis, puis ils appellent à ces groupes-là au lieu d'appeler à l'islam. Et tu vois que dans ces groupes-là, il y a des fondements, des principes, des règles à suivre qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Hein? Et ils appellent les gens à obéir à ces groupes-là, et ainsi de suite. Et ça divise les musulmans. Et on le voit ici. On le voit très bien ici. Hein? Ici, n'importe qui, là, ici, n'importe qui peut faire ça. Des groupes peuvent. Tu vas, t'enregistres un groupe, tu commences une association. Et puis ça, après, il y en a un autre. Maintenant, tu vois, à Montréal, les mosquées des chiites. Subhanallah, l'autre fois, j'étais allé laver mes vêtements. Et le temps de iftar approchait. Subhanallah, je vois descendre un gars avec les vêtements comme les chiites, le turban blanc, avec les vêtements comme les chiites. Subhanallah. Il descend, et les gens sont venus le chercher, il rentre dans la voiture, il s'en va. J'ai dit, subhanallah, dans ce pays, c'est comme ça. Il laisse la liberté à tout le monde. Que tu sois sur la vérité ou sur le mensonge, c'est pas grave. que tu sois sur la sunna ou sur la bid'ah, il laisse tout le monde faire ce qu'il veut. Parce qu'après, de toute façon, ils vont tous se frapper les uns les autres. Et ils vont se fatiguer les uns les autres. Nous, pendant ce temps-là, on profite de ça. C'est ça l'exemple de l'égarement, malheureusement. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les gens se réunissent sur la vérité et abandonnent la division. Hein? Comme j'expliquais souvent à des frères, j'ai dit, ceux qui sont sur une bid'a, ils doivent abandonner leur bid'a et revenir à la sunna. Sinon, on ne peut pas s'unir. Hein? Donc, le cheikh il dit, as-su'al, on a posé la question au cheikh, as-su'al, hal bayanu ba'd al هل بيان بعض الكتب الحزبية أو الجماعات الوافدة إلى بدالنا يعتبر من التعرض للدعاة؟ الجواب هذا ليس من التعرض للدعاة لأن هذه الكتب ليست كتب دعوة وأصحاب هذه الكتب والأفكار ليسوا من الدعاة إلى الله على بصيرة وعلم وعلى علم وعلى حق فنحن نبين أخطاء هذه الكتب أو هؤلاء الدعاة وليس من باب التجريح للأشخاص لذاتهم وإنما من باب النصيحة للأمة أن تتسرب إليها أفكار مشبوهة ثم تكون الفتنة وتتفرق الكلمة وتتشتت الجماعة وليس غرضنا الأشخاص غرضنا الأفكار الموجودة بالكتب التي وفدت إلينا باسم الدعوة. Donc le cheikh, on lui a posé la question qu'il y a certains livres de Hizbiya et il y a certains groupes qui viennent de l'extérieur, qui viennent dans notre pays. Est-ce que le fait de les critiquer ou de parler contre ces groupes-là, est-ce que c'est quelque chose qui est considéré comme étant de s'opposer à la da'wah? Parce que des fois, il y a des gens qui amènent ça, cette shubha. Ils vont dire, ah, lui, il critique. Ce groupe, ça veut dire il s'oppose à la da'wa, il s'oppose à l'islam, il s'oppose à la da'wa de l'islam. Non, hein, le cheikh il répond, il dit ça ne fait pas partie du fait de s'opposer à la da'wa. Pourquoi? Parce que si on critique ces livres ou ces groupes ou ces personnes, le cheikh il dit ça, si on critique par exemple ces livres-là ne sont pas des livres de da'wa. Et les gens qui ont écrit ces livres-là, ce ne sont pas des gens qui font de la da'wah et qui invitent à Allah avec connaissance ou avec science et avec vérité. Donc, nous, on explique les erreurs qu'il y a dans ces livres et les erreurs qu'il y a chez ces individus-là qui invitent à ces choses-là. Et ce n'est pas dans le but de les attaquer eux-mêmes personnellement, mais c'est uniquement dans le but de donner le bon conseil à la Ummah. Pour éviter que ces idéologies et ces idées-là, qui sont des idées douteuses, se propagent. Puis que par la suite, il y ait de la fitna et de la division, et que le groupe se divise et se sépare. Donc nous, notre intérêt, notre but, c'est pas les individus eux-mêmes. Notre but, c'est ces idées-là qui sont présentes dans ces livres, qui nous sont envoyé et propagé au nom de la da'wa. Hein? Donc ça, c'est des exemples de la part du cheikh qui nous explique qu'il n'y a rien de mal dans le fait de critiquer certains livres ou certains groupes, ou certains individus, et de mettre en garde contre eux lorsque c'est pour prévenir la Ummah et les mettre en garde contre des égarements. Maintenant, on va lire la fatwa de Cheikh Saleh al-Sheikh qu'on avait commencé à lire hier dans la note de bas de page, mais qu'on n'avait pas pu terminer. On va lire cette fatwa ensemble. Inch'Allah, c'est la dernière fatwa du Cheikh Saleh al-Sheikh au sujet des Ikhwan. Donc, Cheikh Saleh al-Sheikh, qui est le ministre des Affaires religieuses en Arabie Saoudite, حفظه الله إذ أما جماعة الإخوان المسلمين فإن من أبرز مظاهر الدعوة عندهم التكتم والخفا والتلون والتقرب إلى من يظنون أنه سينفعهم وعدم إظهار حقيقة أمرهم يعني أنهم باطنية بنوع من أنواعها Donc, il commence en disant que le groupe des frères musulmans, al-Ikhwan al-Muslimoun, une de leurs caractéristiques les plus apparentes, c'est que dans leur da'wah, ils ont un côté secret. Ils se cachent. Et ils essaient de se rapprocher des personnes qui eux considèrent que ces personnes-là pourront leur profiter ou être bénéfiques pour eux. Et ils ne montrent pas qu'est-ce qu'ils ont. Ils ne montrent pas leurs vraies idées, leurs vraies pensées ouvertement. C'est-à-dire qu'ils sont un peu comme les groupes ésotériques, d'une certaine façon. C'est-à-dire, tu ne vas jamais savoir qu'est-ce qu'ils pensent vraiment, qu'est-ce qu'il a dans le cœur vraiment. Ils ne le montrent pas, ils le laissent, ils le cachent. Le cheikh, il dit, وحقيقة الأمر يخفى منهم من خالط بعض العلماء والمشايخ زمانا طويلا وهو لا يعرف حقيقة أمرهم ويظهر كلاما ويبطن غيره ولا يقول كل ما عنده ومن مظاهر الجماعة وأصولها أنهم يغلقون عقول أتباعهم عن سماع القول الذي يخالف منهجهم ولهم في هذا الإغلاق طرق شتى متنوعة ومنها إشغال وقت الشباب جميعه من صبحه إلى ليله حتى لا يسمع قولا آخر. Donc, Cheikh il dit, la réalité, donc c'est que, ils veulent pas montrer leur réalité, ils la cachent. Il y en a parmi eux qui ont côtoyé des savants pendant de longues années, des longues périodes de temps, mais on n'a jamais su la réalité de ce qu'ils avaient en eux-mêmes. Parce que ils disent, ils montrent des paroles, mais ils cachent d'autres. Et ils ne montrent pas tout ce qui est en lui. Donc ça fait partie des caractéristiques des Ikhwan. Que ce sont des gens qui agissent comme des hypocrites, yani, comme des caméléons. Ils montrent une partie de ce qu'ils pensent, mais ils cachent le reste. Pour faire croire qu'il est d'accord avec toi, puis après, comme Allah il décrit dans le Coran. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ Allah يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ C'est-à-dire que lorsqu'ils rencontrent les croyants, ils disent on a cru, mais lorsqu'ils sont tout seuls avec leur diable, leur semblable, ils disent on est avec vous pour de vrai. On fait juste se moquer. Allah se moque d'eux. Et il les laisse s'enfoncer dans leur aveuglement. Donc c'est l'attitude de ces gens-là. Allah al-Musta'an. Il dit parmi leurs caractéristiques aussi, parmi leurs fondements, c'est qu'ils essaient de fermer l'esprit de leurs fidèles, d'entendre la parole de toute personne qui dirait quelque chose qui est en contradiction avec leur méthodologie. Donc ils font comme un genre de lavage de cerveau, puis en même temps aussi ils font un genre d'embargo autour de leurs fidèles pour que personne vienne leur dire des choses contraires à ce qu'ils croient et ce qu'ils pensent eux. Pour les isoler d'une certaine façon. Et parmi les moyens qu'ils utilisent pour arriver à ça, c'est que ils occupent le temps des jeunes avec toutes sortes d'activités, du matin jusqu'au soir. Alors la personne n'a pas le temps de rien faire d'autre, ou de lire d'autres choses, ou d'entendre d'autres choses. Et on a vu ça déjà dans des exemples qui sont arrivés, par exemple avec Cheikh Al-Albani Rahimahullah, lorsqu'il avait, par exemple, parmi ses élèves, il y avait certains membres des Ikhwan. Et quand les responsables du groupe des Ikhwan ont su que ces Ikhwan allaient au durus de Cheikh Al-Albani, ils ont ordonné aux élèves, à ces jeunes-là, de ne plus assister au durus de Cheikh Al-Albani. Et ils leur ont écrit des lettres pour leur dire que s'ils persistaient à assister aux durus de Cheikh Al-Albani, ils allaient être expulsés du groupe des frères musulmans. Et ça, il y a les feuilles avec les copies originales de ces lettres qui ont été envoyées à ces personnes-là. hein, si vous voulez, il y a les photocopies qui sont disponibles pour montrer comment ces gens-là font. Hein? Donc, ils font tout pour empêcher les gens d'aller écouter et d'aller entendre les paroles des ulama. Hein? Parce que c'est contraire à leur manhaj. Naam. ومنها أنهم يحذرون ممن ينقدهم فإذا رأوا واحدا من الناس يعرف منهجهم وطريقتهم وبدأ في نقدهم وفي تحذير الشباب من الانخراط في الحزبية البغيضة أخذوا يحذرون منه بطرق شتى تارة باتهامه وتارة بالكذب عليه وتارة يقذفه في أمور هو منها براء ويعلمون أن ذلك كذب. Donc ça c'est un autre exemple, c'est que ils mettent en garde, une autre méthode par laquelle ils empêchent les gens d'entendre la parole, c'est parce qu'ils mettent en garde contre toute personne qui les critique. Hein? Ils mettent en garde contre toute personne qui les critique. Et c'est pour cette raison-là, vous allez voir que ils mettent en garde contre tous les ulama salafiyin et contre les gens qui font la da'wah au Coran et à la sunna et à la compréhension des salaf al-salih. Donc le cheikh il dit, du moment qu'il voit quelqu'un qui les critique, qui critique leur méthodologie et leur voie, il commence à mettre en garde les jeunes contre lui. Donc s'il voit que quelqu'un met en garde contre la hizbiya, il met les jeunes en garde contre, hein, les groupes et contre les tendances de ces gens-là, ils vont commencer à mettre en garde contre lui par différentes méthodes, soit en l'accusant de choses, hein, en disant des mensonges sur lui, en essayant de lancer contre lui des accusations, des choses dont il est innocent. Et ils savent que c'est un mensonge, mais ils le disent quand même parce qu'ils veulent salir sa réputation pour éloigner les jeunes de lui, pour pas que les gens entendent la vérité à leur sujet. Ça, c'est une autre de leurs méthodes. وتارة يقفون منه على غلط فيشنعون به عليه ويدخمون ذلك حتى يصد الناس عن اتباع الحق والهدى وهم في ذلك شبيهين بالمشركين يعني في خصلة من خصالهم حيث كانوا ينادون على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجامع بأن هذا صابئ وأن هذا فيه كذا وفيه كذا حتى يصد الناس عن اتباعه. Qu'est-ce qu'il dit Cheikh Saleh Al-Sheikh ensuite? Il dit parfois aussi une autre méthode qu'ils utilisent, c'est en essayant aussi de prendre une erreur que cette personne-là a faite. C'est-à-dire la personne qui appelle au Coran et à la Sunna et qui critique et qui met en garde contre eux, ils vont essayer de prendre une erreur qu'il a faite, quelque chose qu'il a faite qui était incorrect. Puis ils vont essayer de lui donner une mauvaise réputation et de parler contre lui avec cette erreur-là, en mentionnant cette erreur-là. Puis ils vont grossir cette erreur à un tel point que les gens ne vont plus vouloir aller écouter cette personne. Et ils font ça dans le but de stopper les gens d'aller écouter cette personne pour qu'ils ne suivent pas la vérité et la guidance. Et quand ils agissent de cette manière, le cheikh il dit, ils ressemblent aux mouchriquins dans une de leurs caractéristiques. C'est-à-dire que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens à l'islam dans les assemblées, hein, et bien certains d'entre les mouchriquins, ils venaient et disaient, ne l'écoutez pas, lui c'est, il a abandonné la religion de ses parents, hein, la religion de ses ancêtres, hein, ne l'écoutez pas, il a fait ça, pour empêcher les gens de le suivre. وأيضا مما يميز الإخوان عن غيرهم أنهم لا يحترمون السنة ولا يحبون أهلها وإن كانوا في الجملة لا يظهرون ذلك ولكنهم في حقيقة الأمر لا يحبون السنة ولا يدعون لأهلها بل جربنا ذلك في بعض من كان منتميا لهم أو يخالط بعضهم فتجد أنه لما بدأ يقرأ كتب السنة مثل صحيح البخاري أو الحضور عند بعض المشايخ لقراءة بعض الكتب حذروه وقالوا هذا لا ينفعك وبما ينفعك صحيح البخاري وماذا تنفعك هذه الأحاديث انظر إلى العلماء هؤلاء ما حالهم هل نفع المسلمين المسلمون في كذا وكذا يعني أنهم لا يقرون فيما بينهم تدريس السنة ولا محبة أهلها فضلا عن أصل الأصول ألا وهو اعتقاد الاعتقاد بعامة. Ça c'est un point aussi qui est grave. C'est que parmi les caractéristiques du groupe des frères musulmans, des Ikhwan, c'est que une des caractéristiques qui les distingue parmi les autres groupes, c'est qu'ils ne respectent pas la sunna, ils n'aiment pas les gens de la sunna. Même si en général, ils ne vont pas montrer ça de façon apparente. Mais dans la réalité, ils n'aiment pas la sunna et ils n'invitent pas les gens à suivre les gens de la sunna. Et on a eu l'expérience de ça avec certains d'entre ceux qui suivent les Ikhwan ou bien qui se mélangent avec eux. Yani, tu vois par exemple, lorsque tu commences à lire certains livres de la sunna, comme Sahih al-Bukhari, ou bien d'assister au durus de certains shuyukh dans la lecture de certains livres, ils mettent en garde, ils avertissent contre ça. Et ils disent, à quoi ça va te servir? À quoi ça va te servir Sahih al-Bukhari? À quoi ça va te servir ces hadiths? Regarde ces ulama-là, regarde leur état, hein, en voulant les dénigrer. Est-ce qu'ils ont fait du bien aux musulmans? Regarde l'état des musulmans. Les musulmans ont tel problème. Hein? Donc ils dénigrent les ulama de la sunna. Hein? Eux, qu'est-ce qu'ils aiment? Les idéologues, les politiciens, les gens qui parlent de politique tout le temps, qui parlent que de ça. C'est ça qu'ils aiment. Ensuite, il dit, hein? Donc ils acceptent pas qu'on accepte parmi eux les livres de la sunna. Et ils n'aiment pas les gens de la sunna. Et sans mentionner le fondement des fondements, c'est-à-dire la aqidah, de façon générale. Ils n'aiment pas qu'on parle de aqidah. Non, ça c'est des musulmans. On les classe pas dans les catégories que tu as dit. Peut-être que parmi eux, il y en a qui sont dans ces catégories-là. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Ouais, c'est barakallahu fik. Le fait que quelqu'un agisse, quand on dit par exemple quelqu'un il agit comme les mouchriquines, ou bien il a une caractéristique des munafiquines, ça ne veut pas dire qu'il est munafiq. Et ça ne veut pas dire qu'il est mouchriq. Parce que une caractéristique, c'est pas ça qui va faire de toi un kafir. Hein, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, quelqu'un peut avoir une caractéristique de munafiq, hein? Il a dit, par exemple, à propos du munafiq, arba'atun man kunna fihi kana munafiqan aw kana 'indahu khislatun min khisal an-nifaq hatta yada'aha, hein? Idha haddatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf wa idha tumina khan wa idha ahada ghadar wa idha khasama fajar. Ces différentes caractéristiques sont mentionnées dans les hadiths au sujet des caractéristiques des hypocrites. Si quelqu'un a une de ces caractéristiques là, quand il parle il ment, quand il donne un engagement il ne respecte pas, quand on lui donne un dépôt il ne le garde pas et il trahit son dépôt, et quand il promet il manque à sa promesse, et quand il dispute avec quelqu'un, il est pervers. Hein? Il ment. Et là. Donc ça, c'est des caractéristiques du nifaq. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est un munafiq en dehors de l'islam s'il a ces caractéristiques-là. C'est un nifaq amali. Nifaq un asghar. Un petit nifaq. C'est pas un nifaq akbar. Hein? Donc, c'est la même chose pour le kufr. Quelqu'un peut avoir des caractéristiques des kuffars, ça ne veut pas dire qu'il est kafir. Quelqu'un peut avoir des caractéristiques des mouchriquins, il n'est pas mouchriq. Donc ça, c'est des exemples. D'accord? Ensuite, il dit, le cheikh, وَمِنْ مَظَاهِرِهِمْ أَيْضًا أَنَّهُمْ يَرْمُونَ الْوُصُولَ إِلَى السُّلْطَةِ يَرْمُونَ يرومون الوصول إلى السلطة وذلك بأنهم يتخذون من رؤوسهم أدوات يجعلونها تصل وتارة تكون تلك الرؤوس ثقافية وتارة تكون تلك الرؤوس تنظيمية يعني أنهم يبذلون أنفسهم ويعينون بعضهم حتى يصل بطريقة أو أخرى أو بأخرى إلى السلطة وقد يكون مغفولا عن ذلك يعني إلى سلطة جزئية وحتى ينفذون من خلالها إلى التأثير وهذا يتبع أن يكون هناك تحزب يعني يقربون منهم من في الجماعة ويبعدون من لم يكن في الجماعة فيقال فلان ينبغي إبعاده ولا يمكن من هذا لا يمكن من التدريس لا يمكن من أن يكون في هذا لماذا؟ والله هذا عليه ملاحظات وما هي هذه الملاحظات؟ قال ليس من الشباب ليس من الإخوان ونحو ذلك يعني صار عندهم حب وبغض في الحزب أو في الجماعة donc le cheikh il explique il dit parmi les caractéristiques et les choses qu'on voit qui sont apparentes chez eux aussi c'est qu'ils essaient d'arriver au pouvoir c'est ça leurs objectifs et parmi les moyens qu'ils prennent pour arriver à ce but là c'est qu'ils choisissent des chefs parmi eux qui vont être comme des outils ou des éléments qu'ils vont placer pour arriver à cet objectif là parfois ce sont des têtes culturelles qui sont connues dans le domaine culturel parfois ce sont des têtes ou des chefs qui sont connus dans le domaine exécutif ou de l'organisation ou des choses comme ça et ils font beaucoup d'efforts pour justement l'aider pour s'aider les uns les autres à arriver à ce but-là d'un moyen ou par un moyen ou par un autre pour atteindre le pouvoir et c'est bien possible que cette personne-là on ne soit pas au courant qu'elle fait partie de ces gens-là pour qu'il puisse arriver à atteindre une partie un pouvoir partiel ou quelque chose comme ça jusqu'à ce qu'ils exécutent à travers ce poste qu'il obtient des influences donc il arrive peut-être pas à prendre le pouvoir du premier coup mais il s'infiltre jusqu'à ce qu'il arrive à avoir une position ou un pouvoir partiel puis par cette position là il arrive à avoir des influences et ça veut dire qu'il y a un parti ils sont organisés en groupe et en parti et ils rapprochent d'eux ceux qui sont dans le groupe et ils éloignent d'eux ceux qui ne font pas partie du groupe et ils vont dire par exemple un tel il faut l'éloigner et lui il ne faut pas le laisser par exemple lui il ne faut pas le laisser enseigner il ne faut pas le laisser donner des cours lui il ne faut pas lui donner la possibilité de faire telle ou telle chose pourquoi? Ah, parce que lui, on a observé certaines choses à son sujet, il y a certaines objections sur lui, il y a certaines remarques sur son cas. Et quand on demande quelles sont ses objections, quelles sont ses remarques, ils disent, il ne fait pas partie des jeunes, ou bien il ne fait pas partie des frères. On vous l'a dit, il ne fait pas partie de leur groupe. Ça veut dire que pour eux, l'amour et la haine, elle est basée sur l'appartenance au groupe ou au parti. وهذا كما في حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم قال وإن صلى وإن صام قال وإن صلى وإن صام فدعوا بدعوة الله التي سماكم بها ربكم التي سماكم بها ربكم المسلمين والمؤمنين عباد الله وهو حديث صحيح il dit, ça c'est comme mentionné dans le hadith de Al-Harith al-Ash'ari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle à l'invitation de la jahiliya, alors il fait partie des combustibles de l'enfer. Alors les gens ont dit, même s'il prie, même s'il jeûne, il a dit, même s'il prie, même s'il jeûne, alors invité par l'appel d'Allah, qui vous a, par lesquels Allah, votre Seigneur, vous a appelé, c'est-à-dire, il vous a appelé musulman, croyant et serviteur d'Allah. Et ça, c'est un hadith sahih. Et il a dit également, le cheikh, après, « وَكَذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ لِمَنْ انْتَخَى بِالْمُهَاجِرِينَ وَلِلْآخَرِ الَّذِي انْتَخَى بِالْأَنصَارِ قَالَ أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أزهركم مع أنهما اسمان شرعيان المهاجر والأنصاري ولكن لما كان هناك موالاة ومعاداة عليهما ونصرة في هذين الاسمين وخرجت النصرة على اسم عن اسم الإسلام بعامة صارت دعوة الجاهلية ففيهم من خلال الجاهلية شيء كثير ولهذا ينبغي للشباب أن ينبهوا أو أي نعم أن ينبهوا على هذا الأمر بطريقة الحسنى المثلى حتى يكون هناك اهتداء إلى طريق أهل السنة والجماعة وإلى منهج السلف الصالح كما أمر الله جل وعلا بقوله ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Qu'est-ce qu'il dit le Cheikh? Il dit c'est de cette manière donc que c'est rapporté dans le hadith aussi. À celui qui avait appelé les muhajirines de venir à son aide, et celui qui avait appelé les ansar de venir à son aide. Il y avait une dispute entre, entre un muhajiri et un ansari. Le muhajiri a appelé les muhajirines, oh les muhajirines, venez m'aider. Le ansari a appelé les ansar, oh les ansar, venez m'aider. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça, il a dit, est-ce que vous êtes en train de faire l'appel à la jahiliya alors que je suis présent parmi vous? Il a dit, laissez-la. C'est quelque chose qui sent mauvais. Hein? C'est quelque chose qui pue, qui sent mauvais. Da'ouha fa innaha muntina. Malgré que ce sont deux noms qui sont légiférés dans l'islam. Al-Muhajirin ou Al-Ansar, c'est des noms qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna et qui sont des noms louables. Que Allah subhanahu wa ta'ala, dont Allah a fait l'éloge, hein, dans le Coran et dans la Sunna. Mais, étant donné qu'ils ont mentionné ça dans le contexte de s'allier et de se détester, ou de l'alliance et de l'animosité sur ces noms-là, et de se venir en aide en se basant sur les deux noms, et que le support et l'aide est venu basé sur un nom autre que le nom de l'islam de façon générale, alors c'est devenu un appel qui ressemble à la da'wa de la jahiliya. Et donc le cheikh il dit donc ils avaient une des caractéristiques maintenant on voit maintenant beaucoup de caractéristiques de la jahiliya nombreuses chez les jeunes aujourd'hui, et c'est pour ça que les jeunes ils doivent faire attention. Et on doit apprendre ça aux gens de la meilleure façon pour qu'ils puissent être guidés à la voie de Ahl Sunnah wal Jama'a et à la méthodologie des Salaf al-Salih, comme Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. Lorsqu'il dit « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation et discute avec eux de la meilleure manière ou argumente avec eux de la meilleure façon. « Wa aydan min mazahirihim » بل مما يميزهم عن غيرهم أن الغاية عندهم من الدعوة هو الوصول إلى الدولة، وهذا أمر ظاهر بين في منهج الإخوان بل في دعوتهم. الغاية من دعوتهم هو الوصول إلى الدولة، أما أن ينجي الناس من عذاب الله جل وعلا وأن تبعث لهم الرحمة بهدايتهم إلى ما ينجيهم من عذاب القبر وعذاب النار ويدخلهم الجنة، فليس ذلك عندهم كثير أمر كثير أمر ولا كبير شأن ولا يهتمون بذلك لأن الغاية عندهم هي إقامة الدولة ولهذا يقولون يقولون الكلام في الحكام يجمع الناس والكلام في أخطاء الناس ومعاصيهم يفرق الناس فابذلوا ما به تجتمع عليكم القلوب وهذا لا شك أنه خطأ تأصيلي ونية فاسدة donc le cheikh il explique ensuite une autre caractéristique des ikhwans qui les distingue c'est qu'ils veulent arriver à établir un état et ça c'est clair dans le manhaj des ikhwans et dans leur da'wah qu'ils veulent arriver à établir un état mais en ce qui concerne le fait de vouloir sauver les gens du châtiment d'Allah et de leur ramener la miséricorde en les guidant vers ce qui va les sauver du châtiment de la tombe du châtiment du feu et qui va les faire rentrer au paradis ça c'est pas très important pour eux et ils ne donnent aucune importance donc à ça parce que le but pour eux c'est d'établir un état et c'est pour ça que ils disent de parler contre les dirigeants ça réunit les gens mais de parler contre les erreurs et de critiquer les erreurs de certaines personnes ça ça divise donc faites des efforts pour parler de ce qui va unir les cœurs c'est pour ça qu'ils parlent que contre les dirigeants tout le temps de politique et tout des trucs comme ça parce qu'ils pensent que ça ça unit les gens mais ça les unit sur quoi hein ça les unit sur l'égarement pas sur la guidance même les koufars ils critiquent leurs dirigeants est-ce que ça veut dire que ça ça va être qu'ils vont être unis même ils se divisent sur la critique des dirigeants maintenant il y en a qui le critiquent les autres ils le défendent et ils se divisent là-dessus c'est de l'égarement ça donc le cheikh il dit ça prouve que ces gens-là ils ont des erreurs dans leur fondement et qu'ils ont des intentions corrompues parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit fa inna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam بين أن مسائل القبر ثلاث يسأل العبد عن ربه عن دينه وعن نبيه فمن صحب أولئك زمانا طويلا هو لم يعلم ما ينجيه إذا أدخل في القبر فهل نصح له وهل حب له الخير فإن جعل أولئك ليستفاد منهم للغاية ولو أحب المسلمين حق المحبة لبذلوا النصيحة فيما ينجيهم من عذاب الله وعلموهم التوحيد وهو أول مسؤول عنه donc ça c'est la fin de la réponse le cheikh il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a expliqué trois choses qui vont nous être questionnées dans la tombe, qui vont nous être posées, trois questions qui vont nous être posées dans la tombe. On va être questionné sur, le serviteur va être questionné sur qui est son Seigneur, quelle est sa religion et qui est son prophète. Mais celui qui a fréquenté les Ikhwan pendant un long moment, il ne connaît rien de ça. Il ne va pas savoir comment répondre correctement dans la tombe. Alors, est-ce que la personne qui n'a pas enseigné ça à quelqu'un, il a été sincère envers lui, il l'a laissé dans l'ignorance par rapport aux trois choses qui vont être posées dans la tombe. Est-ce que la personne qui a laissé l'autre dans l'ignorance à ce sujet-là a aimé le bien pour lui ou pour elle? Non. Donc, ils font que profiter des gens. C'est ça qu'ils font les Ikhwan. Les Ikhwan, ils essaient d'utiliser les gens et de profiter d'eux pour arriver à leurs objectifs. Une fois qu'ils ont atteint leurs objectifs, ils n'ont plus besoin de toi. Ils te jettent. Hein, c'est comme ça. Allah musta'an. Mais s'ils aimaient vraiment les musulmans d'un amour véridique, ils auraient donné le bon conseil, ils auraient été sincères envers les musulmans, il leur aurait appris ce qui peut les sauver du châtiment d'Allah et il leur aurait appris le tawhid. Parce que c'est la première chose au sujet de laquelle on sera questionné. Et ça, c'est la fin de la réponse du cheikh à ce sujet. Et si vous voulez avoir les détails là-dessus, retournez au livre ou à la cassette Fatawa al-Ulama fi al-Jama'at wa Athariha ala Bilad al-Haramain. Et il y a aussi des paroles sur les Ikhwan qui va être sur les Ikhwan et sur les Tablir qui vont être mentionnés plus tard. Donc ça c'est les fatwas qu'on voulait lire au sujet des Ikhwan, des paroles des ulama sur ces questions-là. Et au prochain cours, donc on continuera à lire. Là, vous voyez que les fatwas des ulama sont clairs au sujet des Ikhwan. Et il y a des fatwas spécifiques et des fatwas générales. Fatwas spécifiques qui mentionnent le nom de certains groupes et des fatwas générales qui mentionnent les groupes de façon générale pour mentionner que c'est quelque chose qui est mauvais. Donc, dans les deux cas, hein, c'est quelque chose qui est clair. On s'arrête ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته